De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Selon une étude récente, notre lieu de résidence aurait un impact sur notre niveau d'activité physique. Alors, pour nous en parler, je reçois Camille V. Lefebvre. Bonjour Camille. Bonjour François. Alors, il y aurait donc un lien entre la géographie et le niveau d'activité physique. Est-ce que c'est quand même étonnant, ça? Oui, tout à fait. C'est étonnant d'ailleurs. C'est une recherche qui est assez récente, qui date du mois d'août dernier, donc toute fraîche. Toute fraîche. Oui. Alors, cette recherche, elle a paru dans la revue CMAJ Open, qui est d'ailleurs un journal de type Open Access, donc nos auditeurs vont pouvoir y accéder s'ils le souhaitent. Donc, c'est un journal qui est dédié au domaine de la santé. Les résultats de M. Nadeau, Waygood, Lebel et de Mme Letarte et Fratu démontrent que notre lieu de résidence a un impact sur notre niveau d'activité physique dans nos temps libres. On sait d'ailleurs que ce type de résultat est très important à connaître pour les scientifiques, puisqu'il existerait un lien de causalité entre notre niveau d'activité physique et une diminution du risque de vivre avec un trouble de surplus de poids. Donc, plusieurs études comme celle-ci tendent à comprendre les différentes causes et les différentes solutions, surtout, qui sont possibles pour résoudre les troubles d'obésité qui sont de plus en plus présents au Canada ainsi qu'au Québec. Oui, tout à fait. Donc, étant donné que c'est un discours que nous entendons souvent à la télévision, à la radio, dans tous les médias, ces derniers temps, on peut se demander pourquoi il y a une nécessité à effectuer d'autres recherches sur le sujet. Mais le fait, c'est que les précédentes recherches dans le domaine se sont principalement intéressées aux facteurs socio-économiques, comme l'éducation, par exemple, ou encore le revenu moyen des gens, et également à des facteurs biologiques, comme l'indice de masse corporelle, couramment appelé l'IMC, pour tenter de connaître les déterminants de l'activité physique. Toutefois, la présente étude dont je vais vous parler aujourd'hui, elle s'est questionnée à savoir si un autre facteur pouvait entrer en jeu, soit celui de l'environnement bâti ou de l'environnement social, et ce, grâce à l'utilisation de paramètres géographiques. Alors, c'est une approche très intéressante. Alors, comment, en fait, s'est déroulée cette étude? Bien, en fait, les chercheurs ont utilisé l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes datant de 2003 à 2012. Cette enquête pan-canadienne a permis de fournir des données autodéclarées pour un échantillon représentatif de la population civile âgée de 12 ans et plus à travers les 10 provinces canadiennes. Donc, les chercheurs se sont concentrés sur un échantillon qui comprenait 54 832 jeunes âgés entre 12 et 17 ans, de garçons et de filles, pour lesquels ils disposaient d'informations complètes. Sur l'origine ethnique, par exemple, sur le niveau d'éducation, sur l'IMC et également, évidemment, sur l'emplacement géographique, donc leur lieu de résidence. C'est important, c'est ça. Faut toutefois noter que les filles enceintes et les répondants interrogés par procuration ont toutefois été exclus de l'étude parce qu'on avait besoin vraiment de données autodéclarées. Donc, par la suite, les chercheurs ont structuré des observations selon une hiérarchie géographique à 4 niveaux qui est basée sur les unités administratives de recensement de 2006 qui proviennent de Statistique Canada. Donc, les 4 niveaux, c'était basé sur le lieu de résidence qui, lui, était situé dans une région, s'il était situé dans une région métropolitaine de recensement ou encore une agglomération de recensement, eh bien, le quartier correspondait alors à une définition qu'ils ont donnée qui est le secteur de recensement. Sinon, si leur adresse était attribuée à une municipalité, c'était défini selon une subdivision de recensement. Donc, la combinaison des secteurs et des subdivisions de recensement a permis de créer des unités de voisinage qui sont comparables pour l'ensemble de la population canadienne. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à comparer, en fait, les différentes données entre elles. Donc, qu'est-ce que ça a fait, en fait, c'est qu'ensuite, ils ont situé le milieu urbain ou rural. Mm-hmm. Ils ont réussi à examiner les particularités des caractéristiques du lieu de résidence grâce à l'utilisation d'un logiciel qu'on utilise beaucoup en géographie et en géomatique qui est ArcMap, mm-hmm, pour le traitement géospatial des données. Et la structure hiérarchique finale comptait plus de 6000 quartiers dans 112 régions sanitaires. Okay. Si je comprends bien, est-ce que je pourrais dire que les 54 832 jeunes ont été classés dans 6004 quartiers différents répartis en 112 régions sanitaires? Oui, exactement. Okay. Oui, oui. Alors maintenant, comment est-ce qu'ils ont procédé pour évaluer le niveau d'activité physique? Bon, c'est ce qui nous intéresse le plus, oui, en fait. Oui, effectivement. C'est à l'aide d'un indicateur dichotomique. Donc, c'est-à-dire d'un indicateur qui donne deux possibilités. Okay. Dans ce cas-ci, on faisait référence à la réalisation ou non du niveau quotidien recommandé d'activité physique. Donc, pour vous illustrer le tout, les mm-hmm lignes directrices de Santé Canada recommandent aux jeunes âgés de 12 à 17 ans d'accumuler une moyenne d'au moins 60 minutes d'activité physique rigoureuse par jour. Mm-hmm. Donc, un jeune sera considéré comme actif s'il réalise une dépense énergétique d'au moins 30 kilocalories par kilogramme par semaine. Bon, ça se peut que ça vous dise pas grand-chose, donc... C'est une certaine quantité d'énergie, c'est oui, ça? Oui, exactement. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'une marche rapide d'une heure à raison de 7 fois par jour, en fait, non, pas 7 fois par jour, à raison de 7 jours par semaine, uh-huh, va répondre à ces exigences. D'accord. Donc, les chercheurs ont alors estimé le niveau d'activité physique en utilisant un indice de dépense d'énergie validé qui tient en compte la fréquence, la durée de l'activité physique et son intensité selon 18 types autodéclarés d'activité physique. Et quels sont les résultats que les chercheurs ont obtenus à la suite de cette analyse? Mais en fait, au total, ce sont un peu moins de 37 % des filles et plus de 51 % des garçons qui ont atteint le niveau d'activité physique recommandé, mm-hmm, par Santé Canada. C'est pas beaucoup, hein? Non, ce sont des données plutôt inquiétantes. Et fait surprenant, les filles qui vivaient dans un milieu urbain affichaient moins de chances d'atteindre le niveau d'activité physique recommandé que les filles vivant en milieu rural. Ah bon? Oui. Il en était de même pour les personnes interrogées pendant l'hiver. Entre autres, les garçons interrogés durant l'hiver ont également montré des probabilités inférieures d'atteindre le niveau recommandé, mais vivre en milieu urbain, pour eux, ne semblait avoir aucun effet sur leur niveau d'activité physique, contrairement aux filles. Mm-hmm. Ce qui suggère l'existence d'inégalités, de possibilités pour pratiquer des activités physiques entre les garçons et les filles, principalement dans les quartiers urbains. Autre fait inquiétant, l'analyse des résultats au niveau des provinces a révélé que les filles vivant au Québec étaient moins susceptibles d'atteindre le niveau d'activité recommandé par rapport à la moyenne nationale. Et les filles qui vivent en Ontario ou en Colombie-Britannique étaient plus susceptibles d'atteindre ce seuil. D'ailleurs, les garçons vivant en Ontario étaient plus susceptibles d'atteindre le niveau d'activité recommandé par rapport à la moyenne nationale. Effectivement, tout ça semble bien inquiétant. Est-ce qu'on arrive à expliquer ces différences et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette étude? Mais d'une part, que l'activité physique chez les jeunes Canadiens n'est pas seulement associée à des facteurs biologiques ou socio-économiques comme on le prétendait auparavant, mm-hmm, mais aussi à des facteurs environnementaux à plusieurs échelles géographiques. D'ailleurs, la variation la plus importante s'est fait voir au niveau du quartier. C'est-à-dire que parmi les facteurs géographiques, celui de l'échelle du quartier est plus influent sur les niveaux d'activité physique chez cette population. D'autre part, il semblerait que de vivre en Ontario pour un jeune âgé entre 12 et 17 ans, du moins, favoriserait les probabilités de répondre aux standards d'activité physique émis par Santé Canada. Mm-hmm. Au contraire, ici, nous avons plusieurs raisons de nous inquiéter à propos du niveau d'activité physique de nos jeunes filles québécoises vivant en milieu urbain. De plus, la saison a une influence très significative dans cette recherche. Oui, ça c'est certain, hein? Oui, pour les deux, les garçons comme pour les filles, l'hiver a été observé comme représentant un obstacle majeur à l'exécution d'activités physiques, même si l'on envisageait d'ajouter des cours obligatoires d'éducation physique, selon les chercheurs. Pour cette raison, la saisonnalité doit être prise en compte lors de la mise au point d'intervention et de programmes ciblant l'activité physique, surtout chez les jeunes. Néanmoins, quelques limites face à cette recherche sont à considérer. En effet, les données collectées provenaient d'autodéclarations de la part des participants, c'est-à-dire qu'une mauvaise évaluation de leur fréquence ou encore de leur niveau d'activité physique pourrait avoir biaisé un peu les résultats. Mm-hmm. De plus, il est difficile d'évaluer dans quel contexte les participants affirment avoir effectué les activités physiques. Est-ce au courant d'une activité parascolaire, pendant un cours d'éducation physique ou simplement pour le loisir? Uh-huh. On ne le sait pas. Puis, les chercheurs affirment qu'ils n'ont pas inclus l'activité physique découlant d'un but utilitaire, tel que celui effectué lors d'un transport actif, ce qui est d'ailleurs de plus en plus fréquent dans les quartiers centraux. Donc, l'inclusion de ce type d'activité aurait probablement donné une image plus complète, plus positive, du niveau d'activité physique quotidien des jeunes Canadiens. Et bon, c'est ça, ça aurait probablement amélioré les données, un peu sombres qui sont dépeintes en ce moment. Ouais. Donc, c'est un peu la faiblesse, un petit peu. Oui, là, oui, exactement. Donc, peut-être que, en fait, les jeunes sont un peu plus actifs que ce que l'on pense. Effectivement. On espère. Oui. Donc, en fait, à la lueur des résultats obtenus dans cette étude pan-canadienne, il est justifié de pousser la recherche un peu plus loin encore afin d'approfondir sur la façon dont l'activité physique est promue dans les provinces, au Québec surtout, et dans les régions pendant les diverses saisons, ainsi que sur les inégalités, surtout au sein de l'offre qui est disponible entre les garçons et les filles en milieu urbain. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Camille, pour nous avoir fait part de cette étude très intéressante et qui aussi documente l'activité de nos jeunes Canadiens et Québécois. Mais merci à vous. Alors, on va passer au mot de la fin.